Récemment, Flavio Rurale, dans les actes d'un important colloque consacré au rapport entre politique et religion dans les cours européennes, un colloque organisé à Madrid par le professeur Martinez Millán, a remarqué que celle des religieux de cours est une réalité qui échappe à la dialectique entre une dimension laïque et une autre ecclésiastique, une dimension politique et une autre spirituelle. Dimension qui, dans le premier âge moderne, ne fut pas isolée ou vraiment imperméable, comme une certaine historiographie avait suggéré, mais qui, par revanche, continuèrent au moins jusqu'au XVIIIe siècle, mais à bien voir aussi après, à se présenter contigus et interconnectés. En outre, les lectures du phénomène des religieux de cour, fondées exclusivement sur une dialectique souvent problématique entre la loyauté au souverain et la fidélité à Rome, entre la conscience du prince conservé et celle du pape auquel on obéissait, résultent aujourd'hui anachroniques. Les recherches conduites en toute Europe ont en effet montré que la réalité fut beaucoup plus complexe. Comme il n'y avait pas une église monolithique, homogène, uniforme, concorde dans le choix et dans ses stratégies, également il n'y avait pas un clergé cohésent reproduit à niveau local les ordres papaux. En effet, chaque réalité doit être analysée à la lumière du contexte politique et diplomatique dans lequel les religieux viennent dérouler leur service de cour et des rapports de fidélité qui liaient les religieux même aux souverains. Ainsi, aux membres des heures crues philo-romaines se placent côte à côte dans leur fidélité multiple les réguliers alliés du prince, qui parfois présentent positions et stratégies contradictoires, souvent bien étrangères aux directives papales, car il n'y a pas une directive romaine univoque dans un tableau des conflits politiques qui implique les catholiques. En tout cas, la donnée dont il faut partir pour évaluer d'une manière adéquate caractéristiques et fonctions des religieux de cour est leur capacité de répondre à un profond besoin de conseils, un message religieux qui, dans une société pleine d'angoisse et d'inquiétude, était coactif pour l'homme de la rue comme pour les princes. Dans cet ample tableau, le duché de Savoie ne fait pas exception. Comme dans le reste de l'Europe, aussi dans la cour savoisienne, en âge moderne, celle du clergé, en particulier du clergé régulier, fut en présence forte et durable, capable d'assumer un rôle qui allait souvent bien au-delà de la sphère spirituelle, en impliquant par contre les domaines de la culture, de la politique, de la diplomatie. De ça était bien consciente aussi l'historiographie, on dit en Italie « sabaudiste », c'est-à-dire cette historiographie qui, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, en employant une méthode positiviste, avait lu les événements de la dynastie et celle des terres à elle sujettes dans la perspective de la vocation nationale italienne, et de leur progressive émancipation des conditionnements jugés rétrogrades de la culture baroque. En traitant de la cour de Victor Amédée III, roi de Sardaigne entre 1773 et 1786, un excellent érudit comme Domenico Carutti parlait d'une domination des aumôniers et des chapelaines, conditionnée par les influences du confessionnal propre du palais royal d'Espagne. Entre ces derniers conditionnements, celui cru plus dangereux, sinon nuisible, était justement celui exercé par le clergé de cour, capable de manipuler les consciences des princes, qui dans une époque dominée, pour citer les expressions d'un autre érudit de la fin du XIXe siècle, Luigi Cesare Bollea, par les nébulosités de la bigoterie baroque, s'alimentait des pratiques dévotionnelles, du culte de la relique et de l'amulette, des armuméries d'os et des drapes, qui n'était qu'une diminution du christianisme pur et abstrait. L'influence des confesseurs venait juger encore plus dangereuse quand elle s'exerçait sur les princesses, animées, comme dans le cas de l'électrice de Bavière, Adélaïde et Henrichette de Savoie, d'une dévotion sincère, mais paganisante et superstitieuse, comme il était confirmé, selon Carlo Merkel, un bon historien, auteur d'une excellente biographie de ces princesses, par les pratiques pieuses, les pèlerinages, les visites au sanctuaire, toute forme d'une superstition que, je cite, ne logeait pas seulement dans le vulgaire mal dégrossi, mais montait jusqu'au palais. À la lumière de cette tradition historiographique, qui est une tradition forte et consolidée dans l'Italie, nous ne pouvons pas nous étonner si le thème des religieux des cours n'a pas été adéquatement traité, au moins dans l'espace savoisien italien. Même si ce thème présente évidemment des éléments de fort intérêt. Une première donnée sur laquelle il me semble significatif partir concerne l'extrême diversification de l'offre provenant des autres religieux du VIe siècle. Dans le Moyen-Âge tardif, aussi dans la cour ducale, comme dans le reste de l'Europe, nous l'avons vu à propos de la Bourgogne, entre les rangs des confesseurs s'était solidifiée la suprématie des ordres mendiants, une condition que, même avec nuances sensibles, se serait prolongée jusqu'au début du Seicento. Évidemment, l'attachement des ducs aux dominicains, par exemple, est un autre indice du fort lien instauré dans l'âge d'Emmanuel Philibert et de Charles Emmanuel entre la cour savoisienne et la cour des Habsbourg. Dans l'Espagne de Philippe II, en effet, la charge de confesseur du roi est très traditionnellement rhabillée par un moine prêcheur qui, à travers le contrôle de la conscience du roi, exerçait un rôle actif dans la conduite de l'État. Comme dans le reste d'Europe baroque, aussi à Turin, les autres religions nées dans le climat de la contre-réforme commençaient à rivaliser pour la position privilégiée des conseillers et des guides des consciences des princes. Il faut dire que la présence des mendiants reste encore significative pour tous les XVIIe siècles. Observantins furent, par exemple, Paolo Brizio, conseiller de Victorin Médéan et confesseur des épouses Christine de Bourbon, qui les proposait au siège épiscopal d'Albe, et Salvatore Cadana, théologien de la même Christine et conseiller du prince Charles-Emmanuel II. Mais cette présence dut progressivement se mesurer avec l'avance des nouvelles forces, surtout celles des jésuites, qui, comme dans le reste de l'Europe, se fit prépondérant. À l'ordre Saint-Ignace, devenu le meilleur spécialiste de la direction spirituelle dans le cours catholique, appartenaient certaines des plus influentes personnalités de la cour savoisienne du XVIIe siècle, protagonistes d'enchevêtrées vicissitudes diplomatiques et politiques, comme celle d'Antonio Caresana, Giuseppe Capone et surtout de Pierre Monod, confesseur, ou dans le cas de Caresana, aumônier très confiant des princes. Cependant, à appuyer les jésuites, dont l'incidence pendant la régence de Christine de Bourbon représente une confirmation des étroits liens avec la cour française, où l'hégémonie des jésuites est évidente depuis les temps d'Henri IV, furent nombreux représentants d'autres ordres. Des rangs de Carme des Chaussées, introduits au Piémont par Charles-Emmanuel en 1622, arrivaient quelques confesseurs théologiens de Christine de Bourbon et du fils Charles-Emmanuel II. Des rangs de Barnabites, solennellement installés à Turin en 1609, les princes savoisiens tirèrent différents confesseurs et directeurs spirituels, comme Isidoro Pentorio, Amatore Ruga, Juste Guérin, Mansueto Merati, pour citer seulement les plus importants. Aussi les théatins, qui à Turin furent très actifs comme prédicateurs de carême, jouaient d'une considérable influence à la cour de Savoie. Celui des clercs réguliers était du reste un autre particulièrement employé dans la direction spirituelle des princes. Non si noverano per essere stati molti in vari tempi, rappelait à la moitié du XVIIIe siècle une hiérarchie ecclésiastique théatine. Isabelle de Savoie, fille de Charles-Emmanuel I et duchesse de Modène, avait en effet choisi comme confesseur le théatin calabrais Marcello Magala, aussi Adélaïde Henrichette de Bavière, initialement confiée à la direction spirituelle des jésuites, opéra un net choix à faveur des théatins. Des rangs de ces dernières vinrent en effet successivement ses confesseurs comme ce père napolitain Stefano Pepe, déjà assai caro au même vice-roi de Naples, qu'elle avait connu à Turin comme prédicateur. Cependant, à être recruté au service des princes savoisiens comme confesseur ne furent pas seulement les représentants des congrégations nées au VIe siècle. Aussi, autres plus anciens, comme les Camaldules, exprimèrent l'un des confesseurs les plus estimés par Charles Emmanuel, le moine Alessandro Ceva, dont l'ascendant spécial sur les ducs contribue à expliquer l'introduction au Piémont de l'ordre de Saint-Romuald, la réalisation d'un ermitage prestigieux sur les collines torinoises et le soutien réservé par la cour à autres fondations de ces ordres monastiques. Il faut dire que l'ascendant du frate Ceva, du padre Ceva sur Charles Emmanuel, explique une autre décision significative, c'est-à-dire transformer l'ermitage Camaldule de Turin qui venait d'être fondé dans la chapelle de l'ordre de chevalerie la plus importante de la maison de Savoie, l'ordre de l'Annonciade. Un ordre fermé, c'est-à-dire que les chevaliers étaient toujours seulement 15, réservé aux représentants de la haute aristocratie ducale, qui fut donc confié aux soins spirituels des moines Camaldules. Dans le siècle suivant, autres moines, les Feuillantes, une vieille connaissance de Benoît Pierre, figurent entre les confesseurs du duc. Il s'agit des prieurs du monastère théorinoise de Sant'Andrea, siège du sanctuaire marial le plus connu de Turin, la Consolata, destination des fréquentes dévotions de la cour savoisienne, une dévotion qui venait soutenue à court par les confesseurs. On peut souvenir Michel-Ange de Saint-Bernard, confesseur de la région Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, ou le père d'Ormille, confesseur de Victor Amédée II, les ducs devenu roi en 1713, lié à un autre important représentant du clergé de cour, l'oratorien Sebastiano Valfré. À partir de ces catalogues provisoires, et c'est provisoire parce qu'il faut dire qu'il manque encore une étude prosopographique du clergé de cour en Savoie, émerge une tendance déjà mentionnée au début. Au cours du XVIIe siècle, et spécialement dans la deuxième moitié du siècle, la charge de confesseur cesse d'être un apanage presque exclusif d'autres mendiants. L'insertion progressive des représentants d'autres congrégations, souvent récemment introduites au Piémont, ou installées justement en vertu de l'ascendant du confesseur sur les princes. C'est le cas des Camaldules, mais aussi des Visitandines, patrocinés par l'aumônier des cours François de Sales, manifeste la participation de la cour de Savoie à un procès vérifiable à niveau européen. On pourrait ainsi affirmer que les dynamiques qui précident au choix des représentants d'un ordre sont indicatifs d'un plus ample tableau politique et diplomatique où ces choix s'insèrent. C'est le cas déjà mentionné des Théatins, qui semble représenter un élément de cohésion entre la cour bavaroise et celle savoisienne, pendant les ans dans lesquels, à travers le mariage d'Henriette Adélaïde avec l'électeur Ferdinand, les deux familles avaient constitué une solide alliance. Le grand ascendant exercé sur la couple électorale par le culte de Saint Gaëtan et des représentants de son ordre, rendu évident par l'édification du Theatinkirche de Munich, réalisé comme vœu pour la naissance de l'héritier au trône bavarois, trouve confirmation dans la présence massive des Théatins italiens comme confesseurs des deux princes. Plusieurs entre eux, comme Stefano Pepe et Gaetano Bonomo, avaient fréquenté aussi la cour torinoise, où ils avaient connu le système dévotionnel savoisien, dont les éléments les plus significatifs avaient été importés en Allemagne. C'est le cas du culte du sanctuaire, qui dans la cour de Munich, gouverné par une Savoie, fut l'un des leitmotifs de la prédication théatine. Et ça s'est confirmé par beaucoup de panégyriques dédiés au sanctuaire et par la présence de quelques copies du sanctuaire dans l'église bavaroise. Évidemment que le clergé proposé à la conscience du prince put assumer une dimension politique n'est pas une nouveauté du XVIIe siècle ou de l'accord de Savoie. Nous savons que depuis les temps d'Emmanuel Philibert, pour rester dans le cadre chronologique choisi, aux confesseurs furent souvent confiées délicates missions diplomatiques. C'est le cas du dominicain Angelo Giustiniani, confesseur, mais aussi aumônier et conseiller de Manuel Philibert, pour lequel avait conduit délicates négociations à Rome, la plus importante desquelles fut celle de 1563, pour la nomination de l'archevêque de Turin, l'espagnol Inigo d'Avalos. Ou c'est le cas d'un autre prédicateur, Giovanni Battista Ferrero, confesseur et aumônier de Charles Emmanuel, envoyé à Rome en 1626. Quand n'était pas engagé en mission diplomatique, les confesseurs pouvaient avoir un rôle actif dans la vie politique interne du duché. Indicatif à ses propos, c'est ce qu'il était passé à Turin au printemps 1639, quand le conflit entre la régente Christine de Bourbon et ses beaux-frères, les princes Maurice et Thomas, est en train de s'accentuer jusqu'à entraîner une guerre civile. Dans cette circonstance, dans laquelle les Espagnols avaient tenté d'envahir Turin pour porter aide à la faction des princes, les confesseurs de la duchesse, le jésuite Giuseppe Capponi, tente deux sermons dans la cathédrale de Turin, où il accusa explicitement la ville d'inertie parce qu'elle n'avait pas montré cohésion dans la défense de la régente. Les réactions des autorités municipales ne se firent pas attendre et les religieux durent demander formellement pardon à la ville. Bien plus graves furent les conséquences affrontées à cause de son activisme politique et diplomatique par un autre confesseur jésuite, le père Pierre Monod. Sa dramatique vicissitude est paradigmatique du complexe entrelacement entre direction spirituelle, action politique et conditionnement diplomatique. Monod, à qui Andrea Merlotti a récemment dédié une belle voix dans le dictionnaire biographico degli Italiani, est un jésuite savoyard de grand talent qui reçut, merci aussi à l'intérêt de François de Sales, qui, il ne faut pas l'oublier, avait été aumônier des cours, a entré dans le faveur de Charles Emmanuel, qu'il avait nommé confesseur de sa belle-fille, Christine de Bourbon. Dans la cour, Monod adjoindra à la direction spirituelle de la princesse une abondante production historiographique, fondée sur les gloires de la dynastie et les domaines savoisiens. Pour sa excellente érudition, il fut engagé de montrer la bien fondée de la revendication du titre royal par les Savoies. Dans sa œuvre la plus célèbre, le Trattato del titolo regio dovuto alla Serenissima Casa di Savoia, insieme con un ristretto delle rivoluzioni del reami di Cipro appartenente alla corona dell'Altezza Reale di Vittorio Amedeo, Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Re di Cipro, publié à Turin en 1633, Monod tentait de montrer que les Savoies, qu'au XVe siècle s'étaient assis sur le trône de Cipre, pouvaient se considérer les légitimes héritiers de ces royaumes. En vertu de ça, les Savoies pouvaient donc revendiquer le titre de roi qui les aurait mis dans une condition de supériorité par rapport aux autres princes de la péninsule. Quand le traité sortit, en déchaînant féroce réaction des Médicis et des Vénices, c'est-à-dire des rivaux les plus directs de Savoie pour l'hégémonie dans la péninsule, c'est une question qui a bien traité Marie-Antoinette Vicelli à niveau du reflet dans le cérémoniel à Rome. Monod, confesseur de Christine, qui entre-temps était devenue duchesse, jouissait d'un prestige indiscutable à la cour, au point d'être déterminé comme le sujet plus indiqué à entreprendre une délicate mission diplomatique en France. Ici, il vint en contact avec le cardinal Richelieu, qui de Monod avait eu une impression détestable. « Serpent venimeux » l'avait défini le cardinal. Peut-être parce qu'il les soupçonnait d'être de connivence avec Nicolas Coissin, le confesseur de Louis XIII, qui avait ordi une conjuration contre le cardinal. L'inimitié de Richelieu se serait révélée fatale après la mort de Victor Amédée I, quand la régence de Christine de Bourbon exposa les duchés à une marquée influence de la cour française. D'ici, plusieurs sujets, et aussi les mêmes Louis XIII, avaient sollicité la duchesse à éloigner les jésuites, de plus en plus considérés un ennemi de la France. Après quelques faibles résistants, en 1640, Christine dut se plier à ordonner que son confesseur vint enfermé dans la forteresse des Miolans. Ici, malgré les protestations de Rome, les jésuites restèrent jusqu'à sa mort, survenue en 1644, 2 ans après celle de Richelieu. Comme a été remarqué toujours par Rurale, la vicissitude des Monod n'est pas un événement isolé. Quelques années avant, en Espagne, a payé les prix de la guerre entre les factions de cour, guerre qu'avait vu aussi impliquer les confesseurs de Philippe III, le dominicain Luis Aliaga, avait été un autre jésuite, le père Juan Federico Xedler, confesseur du duc de Lerma, ravi en 1617 de Madrid et relégué dans un collège perdu de la Compagnie. Malgré la nature changeante des fortunes du clergé des cours, une donnée plutôt fréquente et vérifiable aussi dans les cours savoisiennes, en particulier dans le premier âge moderne, le penchant à récompenser le service prêté par les confesseurs, service non seulement dans la direction spirituelle, mais aussi dans l'activité politique et diplomatique, avec la promotion épiscopale. On a déjà parlé hier de ces conditions qui est très évident dans la Cour de Savoie. Angelo Giustiniani, le déjà rencontré confesseur d'Emmanuel Philibert, déjà proposé pour le diocèse de Mondovì, en 1668 obtint le siège de Genève, où le siècle suivant aurait été envoyé l'aumônier de Christine, François de Sales, et les confesseurs des enfants, les barnabites Juste Guérin. Si la nomination de son confesseur barnabite, Isidoro Pentorio, au diocèse d'Asti ne fut pas difficile pour Charles-Emmanuel, plus fatigante fut par contre la négociation pour douer d'un épiscopat un autre confesseur du duc, Francesco Martinengo, qu'après avoir vu s'évanouir la possibilité du évêché de Saluces, où il aurait dû remplacer le bénédictin Antoine Pichot, installé là par la Cour de France, où il avait été confesseur de Catherine de Médicis et prêcheur d'Henri III, obtint le siège de Nice. Par contre, au diocèse le plus prestigieux du duché, Turin, fut destiné un autre clerc de cour de Charles-Emmanuel, le dominicain Ferrero, tandis que Paolo Brizio, confesseur de Christine de Bourbon, fut assigné au diocèse d'Alba, ville qui venait d'entrer sous la domination de Savoie. Donc c'est une condition que nous retrouvons jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Et ça, c'est intéressant parce que nous avons vu hier qu'au Portugal, déjà à l'endemain de la fin du Concile des Trente, les rois avaient souligné le devoir à la résidence. Bien, en Savoie, cette tendance n'est pas évidente sinon à la fin du XVIIe siècle. À une diocèse in partibus, celle de Calcédonie, avait été nommé, sous pression de Savoie, un autre aumônier de Christine, Jean-François de Sales, frère de l'évêque de Genève. Ces nominations ne doivent pas nous étonner. En effet, dans le cas des théologiens, des confesseurs, des conseillers, des aumôniers, des princes, nous nous trouvons en face à une véritable élite que dans les cours européens, et italiens en particulier, fonctionne ouvertement politique et qui godait d'une condition privilégiée. Une condition vécue dans la cour savoisienne aussi quand l'action du religieux n'impliquait pas seulement le domaine politique ou diplomatique, mais aussi celui idéologique et culturel. Et j'arrive à la dernière partie de mon exposé. Nous ne pouvons pas en effet oublier que les ecclésiastiques au service des ducs ajoutèrent souvent à leur activité spirituelle celle d'intellectuels des cours, surtout dans les domaines fonctionnels à la légitimation du pouvoir, comme l'histoire, la généalogie, la géographie, la chorographie, la théologie politique, la géographie. Dans ces cas aussi, le panorama est ample et bigarré, et il n'est pas possible de le limiter à la figure peut-être la plus connue, celle de Giovanni Botero. On va des traités politiques des observantins Salvatore Cadana, théologien de Christine et de Charles-Emmanuel, auxquels dédiaient ses œuvres les plus significatives, les princes régnants, il principe regnante et il principe avvisato, au poème élogieux de Lorenzo Scotto, aumônier de Victor Amédée I et de son fils, au traité du précepteur jésuite Luigi Giuglaris, l'une des personnalités les plus influentes de la cour, prêcheur et conseiller, à la géographie dynastique. Ce dernier domaine fut particulièrement avantageux, comme il est montré par une abondante production. On pourrait citer les œuvres du observantin Pasquale Codretto di Sospello, dédié au sang de la dynastie, mais on pourrait aussi citer l'œuvre de Sebastiano Valfrel, confesseur de Victor Amédée II, œuvre dédiée au sanctuaire, la relique évidemment la plus précieuse de Savoie, source inépuisable du prestige et de légitimation. Cependant, il fut dans l'historiographie que le clergé des cours eut la possibilité d'exprimer ses excellences. On a déjà parlé de Monod et de sa production, de Paolo Brizio, auteur des progrès de la Chiesa occidentale, qui était en effet un traité d'histoire du Piémont. Mais il faudrait aussi parler de Valeriano Castiglione, un bénédictin au service de Charles Emmanuel, auteur d'une vie du duc restée inachevée, de Francesco Agostino della Chiesa, cosmographe et conseiller de Victor Amédée I, et de nombreux des ecclésiastiques des cours engagés dans l'organisation de la culture et du consentement à travers l'étude et la célébration du passé. Donc, le spectre ample d'activités parallèles et collatérales à celle propre de la dimension spirituelle des religieux des cours pourrait induire à sous-évaluer cette dernière sphère. Pourtant, aussi dans ce cas, il est opportun de dépasser les préjugés historiographiques et culturels selon lesquels nous résulte difficile, pour citer une expression de Daniel Arando, conjuger la figure du diplomate, de l'intellectuel et de l'homme de cour avec celle de l'homme d'église. Il n'y a pas de contradiction entre la dimension politique des nombreux des confesseurs que nous avons rencontrés jusqu'ici et la dimension plus sincèrement religieuse qui semble caractériser, par exemple, l'œuvre du Osservantin Angelo Fra Angelo Gabriele, le confesseur d'Emmanuel Philibert de Savoia Carignano, connu comme le Savoie muet, parce qu'il en effet était sourd-muet. Pour ces princes, dont les descendants, à la moitié du XIXe siècle, seraient devenus rois d'Italie, les confesseurs s'est posé sérieusement le problème de l'aveu, qui évidemment ne pouvait pas être auriculaire et qui devait par contre prendre d'autres formes. Une solution était représentée du carnet sur lequel les princes auraient pu écrire ses péchés. Une autre solution était celle de la reconnaissance des péchés sur un manuel de confession, de façon que, je dois lire en italien, prendeva un libro di quelli nei quali restavi descritti e distesi gli esami di coscienza, poi mostrava al padre i capi nei quali aveva mancato e così detto padre intendeva benissimo i suoi peccati, senza che detto principe avesse occasione di parlare. L'aveu, indispensable instrument de salut, continuait à être une préoccupation fondamentale pour les clergés en charge de la conscience du prince, dont il suivait, on l'a vu, beaucoup de questions publiques, politiques, diplomatiques, sans cependant jamais oublier les questions spirituelles. Ces deux dimensions cohabitaient même dans la cour de Savoie, naturellement, sans les contradictions qui, pour beaucoup de temps, l'historiographie a voulu souligner, en oubliant ou en ne voulant pas accepter les faits qui, pendant beaucoup de siècles, le sacré et le séculaire ont été interconnectés, mais pas confondus, dans une unité indissoluble. Je vous remercie.